mais ce qu'on ne peut exprimer de Coppée aux années les plus brillantes, ce que vous voudriez maintenant en ressaisir, ô vous tous, cœurs adolescents ou désabusés, rebelles au présent, passionnés du moins des souvenirs, avides d'un idéal que vous n'espérez plus pour vous. Ô vous tous qui êtes encore, on l'a dit justement, ce qu'il y a de plus beau sur la terre après le génie, puisque vous avez puissance de l'admirer avec pleurs et de le sentir. C'est le secret et l'entrecroisement des pensées de ces hôtes sous ces ombrages. Ce sont les entretiens du milieu du jour, le long des belles eaux voilées de verdure. Un hôte habituel de Coppée, qu'interrogeait en ce sens ma curiosité émue, il n'est pas de ceux que j'ai nommés plus haut, je puis le nommer aujourd'hui, c'est le compositeur Quatrefo, me disait. Guillemets. J'étais sorti un matin du château pour prendre le frais. Je m'étais couché dans l'herbe épaisse, près d'une nappe d'eau, à un endroit du parc très écarté, et je regardais le ciel en rêvant. Tout d'un coup, j'entendis deux voix. La conversation était animée, secrète, et se rapprochait. Je voulais faire du bruit pour avertir que j'étais là, mais j'hésitais, jusqu'à ce que l'entretien continuant et s'établissant à quelques pas de moi, il fut trop tard pour interrompre. Il me fallut tout écouter, reproches, explications, promesses, sans me montrer, sans oser reprendre haleine. Fin des guillemets. Heureux homme, lui dis-je, et quelles étaient ces deux voix, et qu'avez-vous entendu? Puis, comme le délicat scrupule de promeneur ne me répondait qu'à demi, je me gardais d'insister. Laissons au roman, à la poésie de nos neveux, le frais coloris de ces mystères. Nous en sommes trop voisins encore. Laissons le temps s'écouler, l'auréole se former de plus en plus sur ces collines, les cimes de plus en plus touffues, murmurer confusément les voix du passé, et l'imagination lointaine embellir un jour, à souhait, les troubles, les déchirements des âmes, en ces Édens de la gloire. Corinne parut en 1807. Le succès fut instantané, universel. Mais ce n'est pas dans la presse que nous devons en chercher les témoignages. La liberté critique, même littéraire, allait cesser d'exister. Madame de Staël ne pouvait, vers ces années, faire insérer au Mercure une spirituelle mais simple analyse du remarquable essai de M. de Barante sur le XVIIIe siècle. On était, quand parut Corinne, à la veille et sous la menace de cette censure absolue. Le mécontentement du souverain contre l'ouvrage. Note, s'il faut en croire une anecdote, dit M. Villemain en ses belles leçons sur Madame de Staël, le dominateur de la France fut tellement blessé du bruit que faisait ce roman qu'il en composa lui-même une critique insérée au Moniteur. Il y blâmait vivement l'intérêt répandu sur Oswald et s'en fâchait comme d'un défaut de patriotisme. On peut lire cette critique amère et spirituelle. Fin des guillemets. J'ai recherché vainement cet article, qui probablement ne porte pas le titre direct de Corinne. Je laisse le plaisir de le trouver aux admirateurs de la littérature napoléonienne, qui commencent à découvrir dans le héros le premier écrivain du siècle. Thiers, Carrel, Hugo, etc. Laissons à César ce qui lui appartient, mais ne lui apportons pas toutes les couronnes. Reprise. Le mécontentement du souverain contre l'ouvrage, probablement parce que cet enthousiasme idéal n'était pas quelque chose qui alla à son but, suffit à paralyser les éloges imprimés. Le publiciste, toutefois, organe modéré du monde de M. Suard et de la liberté philosophique dans les choses de l'esprit, donna trois bons articles signés D.D. qui doivent être de Mademoiselle de Melan, Madame Guizot. D'ailleurs, M. de Félès, dans les débats, continua sa chicane méticuleuse et chichement polie. Note. Depuis que j'ai eu l'honneur, dans mon passage à la bibliothèque Mazarine, d'approcher ce spirituel représentant de l'ancienne critique, j'ai pu apprendre combien en lui de bonté réelle, de noblesse et de droiture de cœur, trouvait moyen de se concilier avec ses malices de plume et ses légères égratignures, si piquantes à l'amour-propre des auteurs. Quand M. de Félez avait un grain de sel sur la langue, il ne pouvait le retenir. Il avait cela du critique journaliste. Son défaut, à côté de sa raillerie, qui d'ordinaire touchait juste, était de ne point tenir compte des parties élevées et sérieuses, ce qui lui ôte de la portée. Pur écrivain de société, il ne va au fond de rien, et quand il a une plaisanterie, il la délaie, ce qui ôte aussi de la gentillesse. Madame de Staël, qui du reste gardait si peu de ressentiment, en voulut, par exception, à M. de Félez. Un jour qu'elle le vit entrer dans un salon, elle sortit par l'autre porte. Son crime était le seul irrémissible pour elle. Il avait mal parlé de M. Necker. Voir les mélanges de M. de Félez, tome 6, page 280, et le volume ultérieurement publié de Jugement, page 352. Reprise. M. Boutard loua et réserva judicieusement les opinions relatives aux beaux-arts. Un M.C., dont j'ignore le nom, fit dans le Mercure un article sans malveillance, mais sans valeur. Et qu'importe dorénavant à Madame de Staël cette critique à la suite ? Avec Corinne, elle est décidément entrée dans la gloire et dans l'empire. Il y a un moment décisif pour les génies, où ils s'établissent tellement que désormais les éloges qu'on en peut faire n'intéressent plus que la vanité et l'honneur de ceux qui les font. On leur est redevable d'avoir à les louer. Leur nom devient une illustration dans le discours, c'est comme un vase d'or qu'on emprunte et dont notre logis se pare. Ainsi pour Madame de Staël à dater de Corinne. L'Europe entière la couronna sous ce nom. Corinne est bien l'image de l'indépendance souveraine du génie, même au temps de l'oppression la plus entière. Corinne qui se fait couronner à Rome, dans ce Capitole de la ville éternelle, où le conquérant qui l'exile ne mettra pas le pied. Madame Necker de Saussure, notice, Benjamin Constant, Mélange, Chénier, tableau de la littérature, ont analysé et apprécié l'ouvrage, de manière à abréger notre tâche après eux. Guillemets. Corinne, dit Chénier, c'est Delphine encore, mais perfectionnée, mais indépendante, laissant à ses facultés un plein essor, et toujours doublement inspirée par le talent et par l'amour. Fin des guillemets. Oui, mais la gloire elle-même pour Corinne n'est qu'une distraction éclatante, une plus vaste occasion de conquérir les cœurs. Guillemets. En cherchant la gloire, dit-elle à Oswald, j'ai toujours espéré qu'elle me ferait aimer. Fin des guillemets. Le fond du livre nous montre cette lutte des puissances noblement ambitieuses ou sentimentales et du bonheur domestique, pensée perpétuelle de Madame de Staël. Corinne a beau resplendir par instant comme la prêtresse d'Apollon. Elle a beau être, dans les rapports habituels de la vie, la plus simple des femmes, une femme gaie, mobile, ouverte à mille attraits, capable sans effort du plus gracieux abandon. Malgré toutes ses ressources du dehors et de l'intérieur, elle n'échappera point à elle-même. Du moment qu'elle se sent saisie par la passion, par cette griffe de vautour sous laquelle le bonheur et l'indépendance succombent, j'aime son impuissance à se consoler. J'aime son sentiment plus fort que son génie, son invocation fréquente à la sainteté et à la durée des liens, qui seuls empêchent les brusques déchirements. Et l'entendre, à l'heure de mourir, avouer en son chant du cygne, guillemets, de toutes les facultés de l'âme que je tiens de la nature, celle de souffrir est la seule que j'ai exercée tout entière. Fin des guillemets. Ce côté prolongé de Delphine à travers Corinne me séduit principalement et m'attache dans la lecture. L'admirable cadre qui environne de toutes parts les situations d'une âme ardente et mobile y ajoute par sa sévérité. Ces noms d'amants, non pas gravés cette fois sur les écorces de quelque être, mais inscrits aux parois des ruines éternelles, s'associent à la grave histoire et deviennent une partie vivante de son immortalité. La passion divine d'un être qu'on ne peut croire imaginaire introduit, le long des cirques antiques, une victime de plus qu'on n'oubliera jamais. Le génie qu'il a tiré de son sein est un vainqueur de plus, et non pas le moindre dans cette cité de tous les vainqueurs. Quand Bernardin de Saint-Pierre se promenait avec Rousseau, comme il lui demandait un jour si Saint-Preux n'était pas lui-même, « Non, répondit Jean-Jacques, Saint-Preux n'est pas tout à fait ce que j'ai été, mais ce que j'aurais voulu être. » Presque tous les romanciers poètes peuvent dire ainsi. Corinne est pour Madame de Staël ce qu'elle aurait voulu être, ce qu'après tout, et sauf la différence du groupe de l'art à la dispersion de la vie, elle a été. De Corinne, elle n'a pas eu seulement le Capitole et le Triomphe. Elle en aura aussi la mort par la souffrance. Cette Rome, cette Naples, que Madame de Staël exprimait à sa manière dans le roman-poème de Corinne, M. de Chateaubriand les peignait vers le même moment dans l'épopée des martyrs. Ici ne s'interpose aucun nuage léger de Germanie. On rentre avec Eudore dans l'antique jeunesse. Partout la netteté virile du dessin, la splendeur première et naturelle du pinceau. Pour la comparaison de toutes ces manières diverses de sentir et de peindre Rome depuis que Rome a commencé d'être une ruine, on ne saurait rien lire de plus complet qu'un docte et ingénieux travail de M. Ampère. Revue des Deux Mondes, 1835, tome 2 et 3. Rome, Rome, des marbres, des horizons, des cadres plus grands, pour prêter appui à des pensées moins éphémères. Une personne d'esprit écrivait « Comme j'aime certaines poésies, il en est d'elle comme de Rome, c'est tout ou rien, on vit avec ou on ne comprend pas. » Corinne n'est qu'une variété imposante dans ce culte romain, dans cette façon de sentir, à des époques et avec des âmes diverses, la ville éternelle. Une partie charmante de Corinne, et d'autant plus charmante qu'elle est moins voulue, c'est l'esprit de conversation qui souvent s'y mêle par le comte d'Erfeuil et par les retours vers la société française. Madame de Staël raille cette société trop légèrement spirituelle, mais, en ces moments, elle en est elle-même plus qu'elle ne croit. Ce qu'elle sait peut-être le mieux dire, comme il arrive souvent, elle le dédaigne. Comme dans Delphine, il y a des portraits. Madame d'Arbigny, cette femme française qui arrange et calcule tout, en est un, comme l'était Madame de Vernon. On la nommait tout bas dans l'intimité, Madame de Flahaut, de même qu'aussi l'on savait de quels éléments un peu divers se composait la noble figure d'Oswald. De même qu'on croyait à la vérité fidèle de la scène des adieux, et qu'on se souvenait presque des déchirements de Corinne durant l'absence. Quoi qu'il en soit, malgré ce qu'il y a dans Corinne de conversations et de peintures du monde, ce n'est pas à propos de ce livre qu'il y a lieu de reprocher à Madame de Staël un manque de consistance et de fermeté dans le style, et quelque chose de trop couru dans la distribution des pensées. Elle est tout à fait sortie, pour l'exécution générale de cette œuvre, de la conversation spirituelle, de l'improvisation écrite, comme elle faisait quelquefois, stand spede in uno, debout et appuyée à l'angle d'une cheminée. S'il y a encore des imperfections de style, ce n'est que par rares accidents. J'ai vu noter au crayon, dans un exemplaire de Corinne, une quantité prodigieuse de « mais » qui donne en effet de la monotonie aux premières pages. Toutefois, un soin attentif préside aux détails de ce monument. L'écrivain est arrivé à l'art, à la majesté soutenue, au nombre. Note. En tête d'une réimpression de Corinne de 1839, nous ajoutions. À mesure que le temps marche, l'intérêt qui s'attache à ces œuvres une fois reconnues comme subsistantes et durables peut varier, mais n'est pas moins grand. Leurs défauts même deviennent des traits de peinture et ne sont pas sans charme, comme l'expression autrefois aimée d'un goût qui a fait place à un autre, lequel à son tour passera également. Quelque chose a péri au sein de ce qui continue de vivre. Cette teinte de tristesse sied bien au milieu de l'admiration. Elle siera d'autant mieux en ce moment qu'un récent souvenir funèbre se doit mêler à cette figure immortelle de Corinne, et qu'on songe inévitablement, en s'occupant de Madame de Staël, à ce que vient de ravir un tombeau. Ce livre, que la mort d'un père l'envoyait méditer en Italie, ce livre à peine âgé de 30 ans, a déjà vu ensevelir, elle, son fils, sa fille. Il se peut relire en présence de ces graves idées de mort, car s'il ne dit pas le vrai mystère des choses de la vie, du moins il n'en sort rien que de généreux, de beau et de bon. Reprise. Le livre de l'Allemagne, qui n'a paru qu'en 1813 à Londres, était à la veille d'être publié à Paris en 1810. L'impression soumise aux censeurs impériaux, Esménard et d'autres, s'achevait lorsqu'un brusque revirement de police mit les feuilles au pilon et anéantit le tout. On sait la lettre du duc de Rovigo et cette honteuse histoire. L'Allemagne ayant été de plus en plus connue, et ayant d'ailleurs marché depuis cette époque, le livre de Madame de Staël peut sembler aujourd'hui moins complet dans sa partie historique. L'opinion s'est montrée dans ces derniers temps plus sensible à ses défectuosités. Mais, à part même l'honneur d'une initiative dont personne autre n'était capable alors, et que Villers seul, s'il avait eu autant d'esprit en écrivant qu'en conversant, aurait pu partager avec elle, je ne crois pas qu'il y ait encore à chercher ailleurs la vive image de cette éclosion soudaine du génie allemand, le tableau de cet âge brillant et poétique qu'on peut appeler le siècle de Goethe. Car la belle poésie allemande semble, à peu de choses près, être née et morte avec ce grand homme, et n'avoir vécu qu'une vie de patriarche. Depuis, c'est déjà une décomposition et une décadence. En abordant l'Allemagne, Madame de Staël insista beaucoup aussi sur la partie philosophique, sur l'ordre de doctrines opposées à celle des idéologues français. Elle se trouvait assez loin elle-même en ces moments de la philosophie de ses débuts. Ici se dénote chez elle, remarquons-le bien, un souci croissant de la moralité dans les écrits. Un écrit n'est suffisamment moral à son gré que lorsqu'il sert par quelque endroit au perfectionnement de l'âme. Dans l'admirable discours qu'elle fait tenir à Jean-Jacques par un solitaire religieux, il est posé que le génie ne doit servir qu'à manifester la bonté suprême de l'âme. Elle paraît très occupée, en plus d'un passage, de combattre l'idée du suicide. Guillemets. Quand on est très jeune, dit-elle excellemment, la dégradation de l'être n'ayant en rien commencé, le tombeau ne semble qu'une image poétique, qu'un sommeil environné de figures à genoux qui nous pleurent. Il n'en est plus ainsi, même dès le milieu de la vie, et l'on apprend alors pourquoi la religion, cette science de l'âme, a mêlé l'horreur du meurtre à l'attentat contre soi-même. Fin des guillemets. Madame de Staël, dans la période douloureuse où elle était alors, n'abjurait pas l'enthousiasme, et elle termine son livre en le célébrant. Mais elle s'efforce de le régler en présence de Dieu. L'essai sur le suicide, qui parut en 1812 à Stockholm, était composé dès 1810, et les signes d'une révolution morale intérieure chez Madame de Staël s'y déclarent plus manifestes encore. L'amertume que lui causa la suppression inattendue de son livre fut grande. 6 années d'études et d'espérances détruites. Un redoublement de persécutions au moment où elle avait lieu de compter sur une trêve, et d'autres circonstances contradictoires, pénibles, faisaient de sa situation, à cette époque, une crise violente, une décisive épreuve qui l'introduisait sans retour dans ce que j'ai appelé les années sombres. Qu'elle aille, qu'elle aille. Il n'y a plus désormais, malgré la gloire qui ne la quitte pas, il n'y a plus de station ni de champ au Capitole. Jusque-là, les orages même avaient laissé jour pour elle à des reflets gracieux, à des attraits momentanés. Et selon sa propre expression si charmante, à quelque air écossais dans sa vie. Mais à partir de là, tout devient plus âpre. La jeunesse d'abord, cette grande et facile consolatrice, s'enfuit. Madame de Staël avait horreur de l'âge et de l'idée d'y arriver. Un jour qu'elle ne dissimulait pas ce sentiment devant Madame Suard, celle-ci lui disait « Allons donc, vous prendrez votre parti, vous serez une très aimable vieille. » Mais elle frémissait à cette pensée. Le mot de jeunesse avait un charme musical à son oreille. Elle se plaisait à enclore ses phrases et ses simples mots « Nous étions jeunes alors » remplissaient ses yeux de larmes. « Ne voit-on pas souvent, s'écriait-elle, essai sur le suicide, le spectacle du supplice de Maisance renouvelé par l'union d'une âme encore vivante et d'un corps détruit, ennemis inséparables. Que signifie ce triste avant-coureur dont la nature fait précéder la mort, si ce n'est l'ordre d'exister sans bonheur et d'abdiquer chaque jour, fleur après fleur, la couronne de la vie ? Elle se rejetait le plus longtemps possible en arrière, loin de ces derniers jours qui répètent d'une voix si rauque les airs brillants des premiers. Le sentiment dont elle fut l'objet à cette époque de la part de M. Rocca lui rendit encore un peu de l'illusion de la jeunesse. Elle se laissait aller à voir dans le miroir magique de deux jeunes yeux éblouis le démenti de trop de ravages. Mais son mariage avec M. Rocca, ruiné de blessures, le culte de reconnaissance qu'elle lui voua, sa propre santé altérée, tout l'amena à de plus réguliers devoirs. L'air écossais, l'air brillant du début, devint bientôt un hymne grave, sanctifiant, austère. Il fallait que la religion pénétrât désormais, non plus dans les discours seulement, mais dans la pratique suivie. Plus jeune, moins accablé, il lui avait suffi d'aller, à certaines heures de tristesse, faire visite de l'autre côté du parc au tombeau de son père, ou d'agiter avec Benjamin Constant, avec M. de Montmorency, quelques conversations mystiquement élevées. En avançant dans la vie, une fois le ressort brisé contre les souffrances positives et croissantes, quand tout manque et se fane jour par jour et se décolore, les inspirations passagères ne soutiennent plus. On a besoin d'une croyance plus ferme, plus continuellement présente. Madame de Staël ne la chercha qu'où elle la pouvait trouver, dans l'Évangile, au sein de la religion chrétienne. Avant la résignation complète, le plus fort de sa crise fut durant la longue année qui précéda sa fuite. L'active constance de quelques amis frappés pour elle, l'abandon, les chétives excuses, les peurs déguisées en mal de poitrine de quelques autres, l'avaient touchée au cœur et diversement contristée. Elle se voyait entourée d'une contagion de fatalité qu'elle communiquait aux êtres les plus chers. Sa tête s'exaltait sur les dangers. « Je suis l'Oreste de l'exil » s'écriait-elle au sein de l'intimité qui se dévouait pour elle. Et encore, « Je suis dans mon imagination comme dans la tour du Golin. » Trop à l'étroit d'en Copé, et surtout dans son imagination terrible, elle voulait à toute force ressaisir l'air libre, l'espace immense. Le préfet de Genève, M. Capel, qui avait succédé à M. de Barante, père révoqué, lui insinuait d'écrire quelque chose sur le roi de Rome. Un mot lui eut aplani tous les chemins, ouvert toutes les capitales. Elle n'y songea pas un seul instant. et, dans sa saillie toujours prompte, elle ne trouvait à souhaiter à l'enfant qu'une bonne nourrice. Les 10 années d'exil peignent au naturel les vicissitudes de cette situation agitée. Elle s'y représente, étudiant sans cesse la carte d'Europe, comme le plan d'une vaste prison d'où il s'agissait de s'évader. Tous ses vœux tendaient vers l'Angleterre. Elle y dut aller par Saint-Pétersbourg. C'est dans de telles dispositions longtemps couvées, et après cette crise résolue en une véritable maturité intérieure, que la Restauration trouva et ramena Madame de Staël. Elle avait vu Louis XVIII en Angleterre. « Nous aurons, annonçait-elle alors à un ami, un roi très favorable à la littérature. » Elle se sentait du goût pour ce prince, dont les opinions modérées lui rappelaient quelques-unes de celles de son père. Elle s'était entièrement convertie aux idées politiques anglaises, dans cette Angleterre qui lui semblait le pays par excellence à la fois de la vie de famille et de la liberté publique. On l'en vit revenir apaisée, assagie, pleine sans doute d'impétuosité généreuse jusqu'à son dernier jour, mais fixée à des opinions semi-aristocratiques qu'elle n'avait, de 95 à 1802, aucunement professées. Son hostilité contre l'Empire, son absence de France, sa fréquentation des souverains alliés et des sociétés étrangères, la fatigue extrême de l'âme qui rejette la pensée aux impressions moins hardies, tout contribua chez elle à cette métamorphose. Madame de Staël, en vieillissant, devait volontiers se rapprocher des idées anciennes de son père. De même qu'on a remarqué que les tempéraments, à mesure qu'on vieillit, reviennent au type primitif qu'ils marquaient dans l'enfance, se dépouillant ainsi par degrés des formes et des variations contractées dans l'intervalle. De même que les révolutions, après leur élan, reviennent à un moindre but que celui qu'elles croyaient d'abord atteindre ou qu'elles avaient dépassé. De même, nous voyons Madame de Staël, vers la fin de sa vie, se réfugier dans un système plus mixte, plus tempéré, mais pour elle presque domestique. C'était, pour la fille de M. Necker, sans revenir simplement à Saint-Ouen, que d'accepter en plein la charte de Louis XVIII. Les considérations sur la Révolution française, dernier ouvrage de Madame de Staël, celui qui a scellé le jugement sur elle et qui classe naturellement son nom en politique entre les noms honorés de son père et de son gendre, la donnent à connaître sous ce point de vue libéral, mitigé, anglais et un peu doctrinaire, comme on dit, beaucoup mieux que nous ne pourrions faire. Aussitôt après son retour en France, elle ne tarda pas à voir se dessiner les exigences des partis et toutes les difficultés qui compliquent les restaurations. Les ménagements, les mesures de conciliation et de prudence furent dès l'abord la voie indiquée, conseillée par elle. Dans son rapprochement de Madame de Duras et de M. de Chateaubriand, elle cherchait à s'entendre avec la portion éclairée, généreuse, d'un royalisme plus vif que le sien. Guillemet. Mon système, disait-elle en 1816, est toujours en opposition absolue avec celui qu'on suit, et mon affection la plus sincère pour ceux qui le suivent. Fin des guillemets. Elle eut, dès lors, à souffrir incessamment dans beaucoup de ses relations et affections privées, par les divergences qui éclatèrent. Le faisceau des amitiés humaines se relâchait, se déliait autour d'elle. Quelques acquisitions nouvelles et précieuses, comme celle de M. McIntosh, ne la dédommageaient qu'imparfaitement. Jour pénible, et qui arrive tôt ou tard dans chaque existence, où l'on voit les êtres préférés, qu'on rassemblait avec une sorte d'art au sein d'un même amour, se ralentir, se déplaire, se rembrunir l'un après l'autre, se tacher, en quelque sorte, dans la fleur d'affection où ils brillaient d'abord. ces déchets inévitables qui ne s'arrêtent pas devant les amitiés les plus chères, affectaient singulièrement Madame de Staël et la détachaient, sinon de la vie, du moins des vanités et des douceurs périssables. Elle avait fini par prendre moins de plaisir à écrire à M. de Montmorency, à l'admirable ami lui-même, à cause de ces malheureuses divergences auxquelles, lui, il tenait trop. M. de Schlegel en voulait beaucoup à cette politique envahissante et se montrait moins à l'aise, ou parfois amer, en ces cercles troublés qui ne lui représentaient plus la belle littérature de Copé. Madame de Staël, sensible à ses effets et atteinte déjà d'un mal croissant, se réfugiait ou dans la famille ou plus haut, dans la fidélité à celui qui ne peut nous être infidèle. Elle mourut environnée pourtant de tous les noms choisis qu'on aime à marier aux siens. Elle mourut à Paris, rue Neuve des Mathurins, en 1817, le 14 juillet, jour de liberté et de soleil, pleine de génie et de sentiments dans des organes minés avant l'âge, se faisant, l'avant-veille encore, traîner en fauteuil au jardin, y distribuant aux nobles êtres qu'elle allait quitter des fleurs de rose en souvenir et de saintes paroles. La publication posthume des Considérations, qui eut lieu en 1818, fut un événement et constitua à Madame de Staël de brillantes et publiques funérailles. Elle y proposait à la Révolution française et à la Restauration elle-même une interprétation politique destinée à un long retentissement et à une durable influence. C'était une monarchie selon la charte à sa manière. Hors de celle-là et de celle de M. de Chateaubriand, il n'y avait guère de salut possible pour la Restauration. Au contraire, la marche contenue entre ces deux limites aurait pu se prolonger indéfiniment. Chaque parti, alors dans le feu de la nouveauté, s'empressa de demander au livre des Considérations des armes pour son système. Les louanges furent justes et les attaques passionnées. Benjamin Constant dans la Minerve, M. de Fitz-James dans le Conservateur, en parlèrent vivement et sous des points de vue assez opposés l'un à l'autre, comme on peut croire. M. Bayeul et M. de Bonald firent à ce sujet des brochures en sens contraire. Il y eut d'autres brochures encore. L'influence de pensée que, par cet ouvrage, Madame de Staël exerça sur le jeune parti libéral philosophique, sur celui que la nuance du globe représenta plus tard, fut directe. L'influence conciliante, expansive, irrésistible, qui serait résultée de sa présence, a bien manqué, en plus d'une rencontre, au parti politique qui, pour ainsi dire, émane d'elle et qui eût continué d'être le sien. Mais c'est dans le domaine de l'art que son action, de plus en plus, je me le figure, eût été belle, efficace, cordiale, intelligente, favorable sans relâche aux talents nouveaux, et les recherchant, les modifiant avec profit pour eux et bonheur. Parmi tous ceux qui brillent aujourd'hui, mais disséminés sans lien, elle eût été le lien, peut-être, le foyer communicatif et réchauffant. On se fut compris les uns les autres. On se fut perfectionné à l'union de l'art et de la pensée autour d'elle. Oh, si Madame de Staël avait vécu, admirative et sincèrement aimante qu'elle était, oh, comme elle eût recherché surtout ce talent éminent de femme que je ne veux pas lui comparer encore. Comme, à certains moments de sévérité du faux monde et des faux moralistes, le lendemain de Lélia, comme elle fut accourue en personne, pleine de tendre effroi et d'indulgence. Delphine, seule entre toutes les femmes du salon, alla s'asseoir à côté de Madame de R. Au lieu des curiosités banales ou des malignes louanges, comme elle eut franchement serré sur son cœur ce génie plus artiste qu'elle, je le crois, mais moins philosophique jusqu'ici, moins sage, moins croyant, moins plein de vues sûres et politiques, et rapidement sensée, comme elle lui eût fait aimer la vie, la gloire, comme elle lui eût abondamment parlé de la clémence du ciel et d'une certaine beauté de l'univers qui n'est pas là pour narguer l'homme, mais pour lui prédire de meilleurs jours, comme elle l'eût applaudi ensuite et encouragé vers les inspirations plus sereines. Ô vous, que l'opinion déjà unanime proclame la première en littérature depuis Madame de Staël, vous avez, je le sais, dans votre admiration envers elle, comme une reconnaissance profonde et tendre pour tout le bien qu'elle vous aurait voulu et qu'elle vous aurait fait. Il y aura toujours, dans votre gloire, un premier nœud qui vous rattache à la sienne. Mai 1835. On comprend bien qu'il s'agit de Madame Sand. Depuis 30 ans que cette étude sur Madame de Staël a paru, mai 1835, il s'est publié bien des écrits et des documents qui l'ont de plus en plus mise en lumière et l'ont fait connaître de plus près dans quelques parties d'elle-même. Je me contenterai d'indiquer l'article sur Madame de Staël, ambassadrice, donné par M. Geffroy dans la Revue des Deux Mondes du 1er novembre 1856. Le volume intitulé « Copé et Weimar », publié par Madame Lenormand en 1862. L'ouvrage qui a pour titre « La comtesse d'Albany » et le recueil des lettres inédites de Sismondi, publié par M. Saint-René Taillandier en 1862 et 1863. Mais, sauf quelques correctifs de détails que nous pourrions apporter à notre première idée, les traits essentiels et principaux de l'étude qu'on vient de lire restent vrais pour nous aujourd'hui comme il y a 30 ans. Gardons-nous de défaire sans raison et d'aller gâter les justes admirations, les religions bien fondées de notre jeunesse.